السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله اتقوا الله، فإن تقوى الله جل وعلا أساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا رعاكم الله أن الدين الإسلامي الحنيف بتوجيهاته السديدة وإرشاداته الحميدة صان المرأة المسلمة وحفظ لها شرفها وكرامتها وتكفل لها بعزتها وسعادتها وهيأ لها أسباب العيش الهني بعيدا عن مواطن الريب والفتن والشر والفساد. وهذا كله عباد الله رحمة من الله جل وعلا بعباده، حيث أنزل لهم بشريعته ناصحة لهم ومصلحة لفسادهم ومقومة لاعوجاجهم ومتكفلة بسعادتهم. ومن ذلك عباد الله ما شرعه الله تبارك وتعالى من التدابير العظيمة والإجراءات القويمة التي تقطع دابر الفتنة بين الرجال والنساء وتعين على اجتناب الموبقات والبعد عن الفواحش والمهلكات، رحمة منه بهم وصيانة لأعراضهم وحماية من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان الله، craignez Allah. Sachez que le fait de craindre Allah et de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base du bonheur et c'est la voie du salut et c'est le succès dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Puis ensuite, sachez, serviteurs d'Allah, que la religion de l'islam, avec ses orientations droites et ses guidances louables, a protégé la femme musulmane et l'a préservée dans son honneur et dans sa dignité, et s'est chargé de garder sa fierté et son bonheur, et lui a préparé les causes d'une vie douce, d'une vie heureuse, loin de toutes les choses qui peuvent amener, qui peuvent lui apporter ou lui amener des tentations ou des problèmes dans sa vie, ou toute forme de mal qui peuvent lui arriver, ou toute forme de désordre et de corruption qui pourrait l'atteindre. Donc la religion islamique a préservé la femme de ces choses-là, comme elle a préservé l'homme également. Et tout cela, serviteur d'Allah, c'est par miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs et pour les êtres humains. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé et a fait descendre sa charia, sa législation et sa révélation, ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna, comme bon conseil pour eux, une forme de conseil sincère pour les êtres humains, pour qu'ils puissent réformer la corruption qu'ils ont dans leur société et remettre droit les choses qui ont été déformées ou détournées, et pour offrir à la femme et à l'homme et à la société tout entière son bonheur. Et c'est pour cela que, serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré toutes les différentes organisations et toutes les différentes choses par lesquelles les êtres humains, s'ils les respectent, ils pourront préserver toutes les causes de tentation qui peuvent se présenter et exister entre les hommes et les femmes, et pourra ensuite également faire en sorte qu'ils s'écartent de toutes les sources de perdition et les sources de péché et les sources de turpitude qui font périr les hommes. Et tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait par miséricorde pour nous et pour préserver l'honneur des hommes et pour les préserver de l'humiliation et de la honte dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. عباد الله وقد جاء في الإسلام ما يدل على أن الفتنة بالنساء إذا وقعت يترتب عليها من المفاسد والمضار ما لا يدرك مداه ولا تحمد عقباه. روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Serviteur d'Allah, l'islam a amené les preuves qui indiquent que la fitna, c'est-à-dire la tentation et l'épreuve qui vient de la femme ou dont la femme est la source, lorsqu'elle se produit, elle a comme conséquence des méfaits et des nuisances très graves dans la société. Que on ne peut même pas parfois distinguer, c'est-à-dire on ne peut même pas savoir à quel point ça peut être grave et à quel point les conséquences de cette fitna et de ces tentations et de ces épreuves peuvent être graves pour les hommes, pour les femmes et pour la société. Et en particulier, lorsqu'on regarde dans les sociétés non musulmanes et qu'on voit par exemple ce qui se produit comme égarement dans le comportement et dans les règles de la vie et dans la société, et à quel point ils ont dépassé la limite en ce qui concerne la pudeur, la modestie et le respect de l'honneur entre les relations entre les hommes et les femmes. Et ça nous donne une petite idée de ce que Allah subhanahu wa ta'ala voulait nous préserver en légiférant et en établissant les règles islamiques pour préserver les sociétés musulmanes. Et donc c'est comme si on avait, dans l'exemple de ce qui se passe ici, dans les sociétés non musulmanes, l'exemple à ne pas suivre. L'exemple à ne pas suivre et les conséquences de ce qui se produit dans une société lorsqu'on ne respecte pas les lois et les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne les relations entre les hommes et les femmes et les limites qui doivent être respectées et établies. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis la umma en garde par rapport à l'épreuve et à la tentation qui se produit de la part de la femme lorsqu'elle devient une fitna, une cause de tentation et d'épreuve et un test. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc un hadith de la plus haute authenticité, rapporté selon Usama ibn Zaydin radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai laissé aucune fitna, aucune épreuve, aucune tentation pour l'homme plus nuisible après moi que la tentation et l'épreuve de la femme. Et l'imam Muslim a rapporté dans son recueil de hadith authentique, selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors prenez garde à la dunya, c'est-à-dire faites attention à ne pas être tenté par la dunya, et prenez garde à la tentation ou à l'épreuve des femmes, parce que la première épreuve par laquelle les fils d'Israël ont été mis à l'épreuve et ont été testés et éprouvés, c'est la fitna des femmes. C'était à cause des femmes. C'était leur première fitna, leur première épreuve, et ils ont échoué dans cette épreuve. Ibad Allah, ومن يتأمل التاريخ على طول مداه يجد ذلك فإن من أكبر أسباب الانهيار انهيار الحضارات وتفكك المجتمعات وتحلل الأخلاق وفساد القيم وفشو الجريمة هو تبرج المرأة ومخالطتها للرجال ومبالغتها في الزينة والاختلاط وخلوتها مع الأجانب وارتيادها للمنتديات والمجالس العامة وهي في أتم زينتها وأبهى حلتها وأكمل تعطرها. Serviteur d'Allah, celui qui observe à travers l'histoire, il va constater qu'une des plus grandes causes de la chute des civilisations et de la destruction des sociétés et de la perdition, de la perte des règles du bon comportement et de la morale et de la corruption des valeurs et de la propagation des crimes dans la société, toutes ces choses-là ont comme source, ou une des sources de ces choses, c'est le fait que la femme exhibe ses atours et ne se couvre pas le corps lorsqu'elle sort de manière correcte ou de manière islamique, et qu'elle commence à se mélanger avec les hommes dans les lieux publics, dans les lieux de travail, dans la société, et qu'elle se mélange avec les hommes dans ses plus beaux apparats, hein, et dans ses plus belles parures, et qu'elle reste dans des endroits clos et fermés, seule avec des hommes étrangers, et qu'elle se mélange avec les hommes dans les lieux publics ou dans les endroits où les gens se rassemblent, dans ses plus beaux vêtements, dans sa plus belle parure, et bien parfumé. Et on voit les conséquences de ça. Et tout ce qu'on est en train de dire, c'est des choses qui sont prouvées par qu'est-ce qu'on constate avec nos deux yeux et par qu'est-ce qu'on entend avec nos deux oreilles tous les jours autour de nous. On n'a même pas besoin de faire à ce sujet-là des recherches scientifiques ou des tests ou des recherches académique, universitaire, pour savoir les probabilités ou les pourcentages ou les échelles ou la quantité de corruption qui existe dans les sociétés. C'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose qui est clair. Et bien entendu, quand quelqu'un suit sa passion et suit ses désirs, même si tu lui montres la vérité avec toutes les preuves, elle ne va jamais l'accepter. Par orgueil, par arrogance, par fierté, et parce qu'elle suit sa passion. Et donc souvent quand tu dis à des kuffars, yani ceux qui rejettent la foi en Allah et la foi en le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et que tu leur montres ces faits et ces réalités-là, eh bien, ils refusent de les admettre, ils refusent de les accepter, par fierté, par arrogance, alors qu'eux-mêmes l'admettent. Hein, ils le disent parfois entre eux. Mais lorsqu'ils sont mis en face des musulmans et en face de la religion musulmane et qu'on leur montre leur image, hein, comme si on leur montrait un miroir, eh bien la fierté et l'orgueil et l'arrogance fait en sorte qu'ils refusent d'admettre la réalité de la laideur de la société dans laquelle ils vivent. Et vous entendez cette parole de la part de quelqu'un qui est né dans cette société, qui a grandi dans cette société, qui fait partie des gens qui ont été dans les familles, et qui est grandi dans les familles québécoises, et dans les familles canadiennes, et dans les familles haïtiennes, et dans les familles de peuples qui sont loin de la guidance de l'islam et de la guidance des prophètes d'Allah. Des peuples qui faisaient partie des gens du livre, ou qui font partie des gens qui ont reçu le livre, mais qui l'ont rejeté derrière leur dos. Et qui ne le respectent pas, ou qui n'y croient même pas, qui n'y croient même plus. Et que même s'ils y croyaient, ça ne pourrait rien faire pour eux au jour de la résurrection. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire, celui qui recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Donc, tout ça c'est pour dire que c'est des choses qu'on constate. Et ça fait partie des choses que même les personnes qui ne sont pas musulmanes, qui grandissent dans les sociétés occidentales, et lorsqu'elles réfléchissent et qu'elles ont un minimum de conscience, minimum de foi, minimum de compréhension, et qu'elles observent toutes ces choses-là, et qu'elles entendent le message de l'islam, eh bien, elles acceptent l'islam, et elle se convertit à la religion musulmane, et elle devient musulmane à cause de ça. Et même, hein, si je vous donne le témoignage de ma propre mère, qui était québécoise de souche, et qui disait, après s'être convertie à l'islam, que lorsqu'elle voyait des femmes musulmanes avec le hijab dans la rue, avant d'être musulmane, elle a toujours aimé cette apparence. Elle a toujours aimé cette façon de s'habiller. Parce que ça inspire la pudeur et le respect et la morale. Et donc, lorsqu'elle a entendu le message de l'islam et qu'elle a cru en l'islam, elle a appliqué ses principes. Elle les a mis en application avec amour. Et son cœur s'est ouvert à la vérité. Parce qu'elle a réalisé que ce que l'islam enseigne comme règle morale, et comme principe, c'est en accord avec non seulement la fitra, mais en accord même avec tous les enseignements que les messagers d'Allah ont reçus de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibad Allah. Wa l'islam lam yufrid ala al-mar'a al-hijab wa lam yamna'ha min tilka al-umur illa li sawniha min an al-ibtidal wa li yahmiyaha min al-ta'arrud lil-raybati wal-fuhshi وليمنعها من الوقوع في الجريمة والفساد وليكسوها بذلك حلة التقوى والطهارة والعفاف وسد بذلك كل ذريعة تفضي إلى الفاحشة. يقول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويقول تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ويقول تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن الآية ويقول تعالى يا أيها الذين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وروى الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي جعلها غرضا له ليهيج من خلالها الفساد والشهوة. استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. سيرفيتور الله. Sachez que l'islam, la raison pour laquelle l'islam a imposé à la femme le hijab et lui a interdit de s'exhiber et de montrer ses parures et ses charmes à l'extérieur de sa maison devant les hommes étrangers dans la société et de se mélanger aux hommes, c'est uniquement pour la préserver de perdre toute sa valeur et d'être humiliée. Et pour la préserver de tomber dans toutes les causes de doute ou de perversité. Et pour la préserver de tomber dans le crime et dans la corruption et le désordre. Et pour la couvrir de la parure de la piété et de la pureté. Et de la chasteté. Des mots qui n'ont plus de sens dans la société dans laquelle on vit. Alors que si on recule 100 ans en arrière, eh bien, on trouverait les femmes qui marchent avec les robes qui traînent par terre ici, dans les rues de Montréal. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par les règles de la charia, Allah subhanahu wa ta'ala a fermé toutes les portes qui peuvent amener vers la perversité et vers le péché. Parce que l'islam, c'est pas une religion qui te dit seulement, ça c'est haram, fais-le pas. Mais c'est une religion qui te dit, non seulement tu ne dois pas faire ce qui est haram, mais tu ne dois pas faire et tu dois t'éloigner de tout ce qui peut être une cause de te faire tomber dans ce haram. Tout ce qui peut être un chemin vers ce qui est haram. Et donc c'est qu'est-ce qu'on appelle le principe en islam de sadd al-dhara'i', c'est-à-dire de fermer toutes les portes à ce qui amène au péché. Hein? Et c'est pour ça c'est des choses que les chrétiens et les juifs et les gens de beaucoup d'autres religions qui n'ont pas la guidance que Allah a révélée dans l'islam, eh bien ils ne comprennent pas ce principe-là. Ils vont se permettre de tout faire. Ils s'imaginent que, par exemple, dans les relations hommes-femmes, la seule chose qui est interdite, c'est de faire l'acte, hein, l'acte sexuel entre un homme et une femme. Mais tout ce qui vient avant, hein, embrasser ou des choses comme ça, ou d'avoir des contacts intimes sans qu'il y ait zina, il dit ça c'est pas grave, on peut le faire. Alors, comment tu peux espérer que tu vas t'abstenir de faire le zina si tu fais toutes les préliminaires du zina? Tu te permets de les faire et tu penses que ça c'est permis. Puis quand il arrive au moment de s'abstenir du zina lui-même, là tu peux plus te retenir et tu tombes dans le zina facilement. Donc l'islam, non seulement il interdit les préliminaires du zina, mais il interdit aussi tout ce qui amène à l'adultère et à la fornication. C'est-à-dire, premièrement, que la femme montre son corps et les formes de son corps qui attirent les hommes dans les lieux publics et dans la rue. Et ça, c'est la première barrière. Et également, qu'elle ne sorte pas pour n'importe quelle raison dans la rue et traîner dehors. Passer ça, plus que la moitié de sa journée à l'extérieur avec des hommes étrangers. Et ensuite, toutes les autres règles de la charia, de baisser le regard hein, et de s'abstenir de tout ce qui peut causer ou faire tomber quelqu'un dans le péché. Donc si tu ne peux pas la voir, la femme, parce qu'elle est voilée, pas avec les petits voiles, les petits foulards qui cachent juste les cheveux de la femme, puis après elle met un legging en bas, ou un haut qui est très serré sur son corps ou sur ses des pantalons, jeans très serrés, et puis elle met un petit foulard sur ses cheveux et avec peut-être même du maquillage et du parfum, et puis elle marche dans la rue et dit « moi je porte le hijab ». Ça c'est pas un hijab, même si elle l'appelle hijab. Parce qu'il n'y a pas de différence entre qu'est-ce qu'elle porte et qu'est-ce que la femme qui est yani, perverse et même parfois celle qui se vend, hein, elle s'habille comme ça elle aussi. Hein, Allah musta'an. Donc il faut qu'elle respecte les règles de la charia en portant un jilbab qui couvre son corps de la tête jusqu'aux pieds et même qui traîne par terre et qui est ample. C'est-à-dire qu'il ne dévoile pas aucune forme et aucune courbe de son corps. Que quand l'homme la regarde, c'est comme s'il voit le mur. Il ne peut pas avoir un désir pour le mur. Il ne peut pas avoir une attirance sexuelle pour le mur. Parce que le mur, c'est quelque chose de neutre. Et la femme musulmane, quand elle marche dans la rue avec son djilbab, elle devient neutre. C'est-à-dire, elle ne peut pas causer de l'attirance sexuelle pour aucun homme qui est dehors. Et quand elle veut plaire à quelqu'un, c'est à son mari chez elle. Et pas à aucun autre homme à l'extérieur. Son but, c'est pas d'attirer les hommes et de plaire aux hommes. Et souvent, qu'est-ce qui se passe dans les sociétés maintenant? C'est que la femme se fait belle pour tout le monde dehors, sauf pour son mari à la maison. Allah al-Musta'an. Et c'est pour ça que les hommes ne sont pas satisfaits de leur femme. Quand ils sont à la maison, ils sont insatisfaits de leur femme. Et quand ils vont dehors, ils sont tentés par toutes les autres femmes, hein, excepté la femme qu'ils ont chez eux à la maison. Et donc, l'islam a appelé à préserver l'honneur et la femme pour l'empêcher de tomber dans le crime et dans tout ce qui est mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab, « Et restez dans vos demeures et ne vous exhibez pas, c'est-à-dire n'exhibez pas vos atours, de la façon dont le faisaient les gens dans la jahiliya, c'est-à-dire avant la révélation de l'islam, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les femmes, c'est ce qu'elles faisaient. Elles montraient une partie ici, du haut de leur poitrine. Elles montraient leurs cheveux. Elles montraient les formes de leur corps. Hein, et elles marchaient avec un certain mouvement pour attirer les hommes. Elles portaient même parfois des bijoux avec des petits trucs qui font du bruit quand elles font des pas, quand elles marchent pour attirer l'attention des hommes. C'est-à-dire, même si tu la vois pas, tu l'entends. Hein? Al-Khilkhal. Les ulama de tafsir, ils ont mentionné toutes ces choses-là dans le tafsir de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et si vous leur demandez quelque chose, demandez-leur par derrière un rideau. C'est-à-dire, derrière un rideau, lorsque vous allez parler avec ces femmes, cela est plus pur pour vos cœurs et pour vos cœurs. Et on parle de qui dans ce verset? On parle des sahaba lorsqu'ils viennent demander aux mères des croyants, c'est-à-dire les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleures femmes, les plus pures, et qui sont les sahaba qui sont les meilleurs hommes et les plus purs de cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit de faire ça. Alors imaginez, nous, aujourd'hui, qui n'avons pas le cœur pur comme eux, hein, qui ne sont pas, hein, on n'est pas au niveau de piété et de pureté que dans lequel eux ils étaient, et on n'est pas dans une société qui se préserve comme la société dans laquelle eux vivaient, qui était une société qui se préservait de la tentation et du mal. Imaginez alors dans ce cas-là à quel point ça doit être nécessaire pour nous d'appliquer ces principes-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi ce qui signifie et dit aux croyantes qu'elles rabaissent leur regard et qu'elles préservent leur partie intime, et qu'elles rabattent, et qu'elles n'exhibent pas leur parure, leur beauté, leur charme, les formes de leur corps, hein, excepté ce qui en apparaît, hein, excepté ce qui en apparaît. Et les ulama, en ce qui concerne la partie du verset qui dit excepté ce qui en apparaît, ils ont dit excepté son vêtement, excepté son vêtement. Et il y a une autre interprétation par Ibn Abbas qui dit excepté son visage et ses mains. Et on sait que c'est ça la divergence qui existe entre les ulama sur qu'est-ce qui est permis pour la femme de montrer à l'extérieur. Certains ulama disent elle doit couvrir tout, même son visage et ses mains, et certains ulama disent elle peut montrer son visage et ses mains mais rien de plus. Et ceux qui disent qu'elle peut montrer son visage et ses mains, ils disent que c'est préférable et c'est meilleur pour elle de couvrir son visage et ses mains. Si quelqu'un peut vérifier, parce que je pense que la porte est barrée. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset ce qui signifie « Ô toi, prophète, Dis à tes femmes et à tes filles, c'est-à-dire tes épouses et tes filles, et aux femmes des croyants, qu'elles rabattent sur elles leur djilbab. Le pluriel du mot djilbab, c'est djalabib. Yudnina alayhinna bi djalabibihin. C'est-à-dire leur djalabib. Le pluriel du mot djilbab. Djilbab, et les ulama de tafsir, ils l'ont décrit, le djilbab. Et ils ont mentionné que c'est un vêtement ou un morceau de tissu que la femme met sur sa tête, qui couvre jusqu'à ses pieds. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. C'est-à-dire qu'elles rabattent leur khimar, hein, leur khumur, hein, leur khimar, sur leur juyub. Et le jayb, c'est l'ouverture du col que les femmes avant laissaient, hein, ouvert, large, pour qu'on voit une partie de leur poitrine et leur gorge, qu'est-ce qu'on appelle en français leur gorge, hein, elles laissaient paraître une partie pour attirer les hommes. Allah a dit qu'elles rabattent le foulard qu'elles mettaient sur leurs cheveux, qu'elles le rabattent par-dessus leur poitrine. Hein. Et certains des mufassirin, quand ils ont expliqué le djilbab, ils ont dit c'est un drap ou un long tissu qu'elles prennent et qu'elles s'enveloppent avec, qui couvre leur tête jusqu'aux pieds et qu'elle laisse paraître seulement un œil pour voir le chemin. Ça, c'est la description de djilbab, tel que vous le voyez, comment il a été décrit par les sahaba et les tabi'in dans les livres de tafsir. Regardez tafsir al-Tabari, regardez tafsir al-Qurtubi, regardez tafsir Ibn Kathir et tafsir al-Shawkani ou n'importe quel autre tafsir. Vous allez voir que ces explications-là sont mentionnées en détail. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ. C'est-à-dire que même lorsqu'elle parle, elle ne doit pas parler d'une manière pour attirer, hein, l'homme ou lui donner des idées ou des désirs dans son cœur. Pour que l'homme qui a une maladie dans le cœur ne soit pas, yani, n'ait pas de désir pour elle. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Parmi les exemples également qui prouvent que la femme elle a l'obligation de couvrir tout son corps, et les preuves que les ulama ont mentionnées pour dire que même le visage et les mains doivent être couverts, c'est le hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'imam al-Tirmidhi dans son sunan, qui dit que la femme tout au complet elle est awra, hein? Et certains ulama ont mentionné justement comme argument et comme preuve que même le visage doit être couvert. Ils ont dit comment se fait-il que la femme Allah lui a ordonné de se couvrir les pieds, mais qu'elle serait permise de montrer son visage? Qu'est-ce qui cause plus de tentation pour l'homme? Et qu'est-ce qui est l'endroit où toute sa beauté se reflète? C'est bien son visage. La première chose qu'un homme regarde lorsqu'il demande une femme en mariage, est-ce que c'est ses pieds ou son visage? Et bien entendu, c'est son visage. Et donc, les ulama ont mentionné ça comme argument. Et donc, si vous retournez dans les livres de tafsir et les livres de fiqh, vous retrouvez toutes ces explications-là en détail. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne cherchent pas à comprendre les règles de la charia et d'apprendre et d'étudier les règles de la religion. Et donc, ils ignorent toutes ces choses-là. Et ils pensent que, yani, c'est pas important de connaître ces choses-là. Allahu al-musta'an. Wa an ummi Humayda al-Sa'idiyya, radiyallahu anha, annaha ja'at إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. فقال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à une femme qui lui a posé la question ou qui lui a dit qu'elle aimait prier dans sa mosquée derrière lui, venir faire la prière dans sa mosquée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je sais que tu aimes prier avec moi, mais sache que ta prière que tu fais chez toi, dans ta chambre, est meilleure que celle que tu fais dans ta maison. Et la prière que tu fais dans ta maison, eh bien, elle est meilleure que celle que tu vas faire dans la mosquée de ton quartier ou là où tu habites. Et la prière que tu fais dans la mosquée de ton quartier est meilleure que tu fais dans ma mosquée. C'est-à-dire que plus tu pries proche de chez toi ou dans ta maison et dans ta chambre, mieux c'est pour la femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abi Huraira, que les meilleurs rangs pour la femme, c'est les derniers. Et les pires sont les premiers. Et donc, pour la femme, c'est le contraire du cas de l'homme. Les meilleurs rangs pour l'homme, c'est les premiers rangs. Et les pires sont les derniers. Pour les femmes, c'est le contraire. Les meilleurs rangs sont les derniers et les pires sont les premiers parce qu'elles sont plus proches. Et on peut voir aussi également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mosquée, il avait fait une sortie, une porte exprès pour les femmes, pour pas qu'il y ait de mélange entre les hommes et les femmes. Et dans la mosquée, il les a séparés. Il a mis les femmes derrière et les hommes en avant. Et il a dit que les rangs d'en arrière pour la femme sont meilleurs que les rangs d'en avant. Et tout ça, c'est pour indiquer que plus les hommes et les femmes dans les lieux d'adoration sont éloignés, mieux c'est et plus ça les préserve de la tentation. Et donc les ulama ont utilisé ça comme une règle et comme une analogie pour dire que si dans les endroits de prière, les endroits d'adoration, c'est mieux pour l'homme et la femme d'être séparés, eh bien c'est encore plus le cas dans les endroits publics où les gens sont encore plus loin d'Allah subhanahu wa ta'ala et du rappel et de la piété. Si ce n'est pas permis de se mélanger dans le meilleur des endroits au monde, la mosquée, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là du fait de se mélanger dans les endroits où on est encore plus loin d'Allah et on se rappelle encore moins d'Allah, comme les endroits publics et les lieux à l'extérieur. Donc ça, c'est des arguments que les ulama ont mentionnés pour prouver que la mixité en islam est interdite. Si c'est interdit dans la mosquée, eh bien c'est encore plus interdit ailleurs. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا